Abagadaba, Evoleta. DJ Skank. Fes. Fes contre fes, boss chat amen. Ponji, et puis même pas bise di amen. Chaque coup de basse faut crier à l'aide. Personne ne peut pas dis, will madame. Block it, block it, block it. Homme madaba toujours ok. Si vous testez corps ou que choque. Allez, chaque coup de basse, yo ka block it. Block it, block it. Homme madaba toujours ok. Si vous testez corps ou que choque. Allez, chaque coup de basse, yo ka block it. Batman a. La pistole, si ou pas ça fait pas la peine, fais pas wall. Ou si blagoudon nous savent ou qu'a fait wall. Son bat tout le monde, mais pas ça qui la jolle. Sans cabre champagne, NSI ou bien Skol. Son mada hot qu'a mette toute femme folle. C'est pas pièce qui dim si, yo rimi fa sol. Nègre bas soleil qu'a mangé ou sol. Ici y'a ni de real bad man de willy willy. Y'all dem si en vini de yo, c'est pas pour faire gili gili oule. Real bad man mili mili. Pas stressé corps, pas dérangé corps. Non, pas fait feeling uni. Real bad man de willy willy. Y'all dem si en vini de yo, c'est pas pour faire gili gili oule. Real bad man mili mili. Pas stressé corps, pas dérangé corps. Non, pas fait feeling uni. Fes contre fes, boss chat amen. Bonji, et puis même pas besoin d'y amen. Chaque coup de basse faut crier à l'aide. Personne peut pas dis, will madame. Block it. Block it. Homme madaba toujours ok. Si vous testez corps ou que choquette. Allez, chaque coup de basse, yo ka block it. Block it.